la flicaille, l'Irak c'est tricard. Chirac n'a plus de cigare qui fabriquait les smicards. Opération d'état, chef entre les passes. La France dédiée car c'est l'écart entre les classes. Blasé pur blasé, chassé pur passé. Un tech, une daronne peut laisser son gosse clamser. Réaction de baiser, pirate leurs accès. Tu fermes pour nos frères, des pédophiles relaxés. Un tech, poucave, trop tard c'est le carnage. Pété en flat dehors après deux heures de gardave. Un tech c'est violent, n'attends pas que tout se tasse. Coup de feu, écoute, ça se fout de ce que foule tasse. Un tech au Aspa, orchestré par Chitane. Les propos outrageux du pape envers l'islam. Un tech à l'amour, peut te cacher une crasseuse. Le pire de tes ennemis peut être la reine des gratteuses. Renard des surfaces, postiché dans le sas. Soit tu fais ta place, soit tu pratiques l'art du surplace. Je représente mes rapaces, célébrer d'une rafale. Le courage de Massoud, en mémoire d'un rafale. Un déco ravage, engendré par la cam. Le genre de cadavre, enfanté par ta femme. Un déco carpla, si si c'est hala. Opère comme un ninja et neutralise les alas. Un déc les types grandissent comme Tantino. Pour eux la route de la fortune c'est le remake de Casino. Un déc au mytho qu'on la bouche collée au micro. Il te raconte que du mytho depuis l'époque Léon Zitrone. Un déc la famille, touche là et j'allume. Ils se prennent pour les maîtres du monde depuis qu'ils ont le pied sur la lune. Un déc à la tiraille, pas toi y'a que toi qui râle. Le visage du diable doit ressembler au cul de Shakira. Un déc à mes pirates de l'asphalte. À ceux qu'on l'air aussi fiable que les virages de la Smart. Va pas tomber dans les sillages de la diable. Fais ce que t'as à faire, évite leur flic à une lâche app. Un deck, c'est pour le temps qu'on perd à notre âge. Paix à nos gars, on sait ce que le triple 6 peut faire à notre âme. Un deck fait bellec auprès d'avocats. On n'y peut rien, la rue est pleine de Vini Terranova. Un deck, une fois que tout me sert de freestyle. J'opère à cœur ouvert, j'suis une poussière de cristal. Un deck aussi sera, juge proc magistrat. Au pays du coq, la vérité coûte cher Sista. Un deck, j'en suis plus à mon tour d'essai. Pour fourrer l'état, j'ai toujours le bouc dressé. Si on se fait la courte échelle, c'est pour tout baiser. Va pas finir sous CC dans un trou de WC. Un deck, j'en suis plus à mon tour d'essai. Pour fourrer l'état, j'ai toujours le bouc dressé. Si on se fait la courte échelle, c'est pour tout baiser. Va pas finir sous CC dans un trou de WC. Un deck, coup de chasse, police, sirène. Un deck, si tu bouges un faut te corriger direct. Un deck, tu capes toute la folie qui règne. Un deck, la confiance est prise comme du police sirène. Un deck, coup de chasse, police, sirène. Un deck, si tu bouges un faut te corriger direct. Un deck, tu capes toute la folie qui règne. Un deck, la confiance est prise comme du police sirène. Un deck.